pour Mikey comme Dataki Waki. Me sers du microphone pour informer toute la ville, seul tout seul. N'appartient aucun pot si je travaille en freelance. Je lance balance ma pro. As we proceed, come on. Je suis le blackie, Judge cause ça va pour Mikey comme Dataki Waki. Me sers du microphone pour informer toute la ville, seul tout seul. Ça n'appartient aucun pot si je travaille en freelance. Je lance balance ma prose ici, je fous la pression quand je me lance. Mes influences musicales, naze, nanaze, easy, easy. Easy sur le beat, je me pose pas faire de façon, easy. Il existe une façon pour moi d'exister. Tu pensais quand même pas que j'allais la laisser passer. Laisser passer l'occasion de mettre les points sur les i. Les barres sur les t, sur les teux, t'es désenté, t'es têtu. Déjà dans l'ordre si. Ou pourquoi j'étais aussi indifférent vis-à-vis des provoques. Les faux que comme toi, toi qui me voyais en congé, en train de me ronger les ongles. Pendant ce temps-là, je congelais, puis décongelais. Les gros comme toi qu'on congratule, je l'ai. Comme des flageolets, comme de la gelée en freestyle. Mon armature, mon scaf, fin de combat, toujours prêt pour la bataille. Je braille, je baille pas, je déploie mon style, mon éventail. Amateur de hip-hop taille, je m'entraîne dans mon coin, les poings serrés. Ne serait-ce que pour les laisser macérer un peu. Garçon, un peu du jot. Si j'ai le don qui choque les gens, c'est parce qu'à chaque fois que chope le mic, il faut que best mic mash-up. Quoi, Matt? Le feeling qui passe quand je me place sur la mélo, je me surpasse en solo. Cool seul, tout seul, sur le beat, test mon niveau. M, s'il faut que tu saches que ta place n'est pas au show. Car je tchatche, je cause, je frappe quand je me place. Yo, M, si Mike pèse, adresse, redresse donc le niveau. Franchement, faut que tu saches que ta place n'est pas au show. Deuxième couplet, faut pas me louper si tu veux me couper. La tête ou l'herbe sous le pied, prends ton pied, mais prends tes deux jambes à ton cou, prends la fille. J'suis pas le genre de gars qui chuchote qui que ce soit, même si chuchote. Parfois que chuchote avec ma choute, mais pas avec les chuchotes comme toi qui me croyais à l'ouest. Avec en prime une paire de West, j'sors mon Fmif et Wesson. Mon flow se flé au flow que j'balance à la Fmif et Wesson. Mais où est-ce que tu te caches pendant que j'balance mes rimes en flèche? J'ai pas un flèche en poche, donc mon flow flaire le cash, ça c'est clair. Clair comme l'eau de roche ou clair comme les yeux d'Anne Sinclair. Clair que je veux une pure caisse de la fraîche dans mes fonds de caisse pour que t'encaisses le flow et la manière avec laquelle je me place dans des cales sur la caisse. Clair est clair que le bon gosse love story façon West Side Story fly comme après une 8-6. Si t'insistes, la suite vient tout de suite. Tu crois que je me prends pour un ricain, mais s'il y a pas d'ici de West Side, juste des cailles qui braillent sapés en dog side style. Quoi, Matt? Le feeling qui passe quand je me place sur la mélo, je me surpasse en solo. Cool seul, tout seul, sur le beat, test mon niveau. M, s'il faut que tu saches que ta place n'est pas au show. Car je tchatche, je cause, je frappe quand je me place. Yo, M, si Mike baisse, adresse, redresse donc le niveau. Franchement, faut que tu saches que ta place n'est pas au show. Yo, que ta place n'est pas au show. Je suis seul, tout seul, sur la bande FM. Je viens brûler le FM, ainsi que les faux qu'il faut que je froisse. Fêlé comme les oufs du FLN, comme ceux du FLNC. Quand t'as fait le grand chelem, t'as fumé du H, t'as vu des H vendre dans les cages de HLM. Que t'as la haine de voir que les frères ont de la peine à serrer les coudes. Pense pas que je boude, je reste dans mon coin comme un Bouddha. J'ai passé tant de temps pour tant de tensions, pour tant de mécontents. Mais pourtant tu paieras content quand t'entends ce qu'on dit sur la vraie identité de Mike. Mais si sur ce scuddy, ce que demande le peuple, seul tout seul. Je balance des missiles seul, seul façon missile scud. Même si je suis esselé, je suis décelé. Ce qui est un soleil dans mon esprit, ce qui est à prendre est à apprendre.